La première, 9h-10h, l'histoire continue, Bertrand N, Hélène Maquet. Et Jean-Pierre Van Rossen, Bayeul, avait un système très facile pour compter ses billets. Ben, il les mesurait qu'une latte, ça allait beaucoup plus vite. Alors la promesse du mois de février, c'était qu'il était en train de vendre le système Monétron à des Japonais et qu'il aurait l'argent au plus tard à fin juin. Moi, j'étais tellement naïf de penser que j'allais pas me mâcher. Certains personnages traversent l'espace médiatique pour en disparaître presque aussi rapidement. Voici l'histoire de l'un d'eux qui a cru se faire une place au soleil au tournant des années 90. Milliardaire, mi-gourou, mi-escroc, voici le portrait de Jean-Pierre Van Rossem devenu homme politique. Et aussi le portrait d'une Flandre qui, à ce moment-là, a commencé à se tourner vers l'extrême droite. La première, l'histoire continue. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Ça peut paraître incroyable, c'est peut-être même un phénomène unique, mais en Belgique, un homme a lancé un parti politique depuis la prison où il était enfermé pour escroquerie. Non seulement cet homme a été élu, mais il a même rassemblé tellement de voix que 3 autres députés ont été élus avec lui. Cet homme, c'est Jean-Pierre Van Rossem, passé par le monde des affaires, la Formule 1, la politique, puis une certaine forme de déchéance. Son histoire est iconique pour la Belgique et surtout pour la Flandre du début des années 90. Alors, que peut-on tirer comme enseignement de l'histoire de Jean-Pierre Van Rossem, cet homme politique élu sans programme et uniquement sur sa personne, sur son charisme? Inaugure-t-il l'ère des populismes? Pourrait-on voir réémerger un Jean-Pierre Van Rossem en Flandre? Aujourd'hui, nous nous poserons toutes ces questions avec notamment Ivan De Vader, journaliste à la VRT. Et nous recevons également aujourd'hui François Debras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'ULIEJE et à l'ELMO. Jean-Pierre Van Rossem, pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'accident de l'histoire? Alors, Jean-Pierre Van Rossem a une existence dans le paysage politique belge tout à fait spécifique. C'est un phénomène unique, c'est une espèce d'étoile filante qui a traversé le ciel politique belge. Certains l'ont comparé à un Robin des Bois flamand, certains disaient que c'était le Coluche belge, certains essayent de faire des liens avec Poujade, avec Donald Trump, etc. Donc on se rend bien compte qu'il y a une difficulté à le caractériser et une difficulté à l'assimiler à un mouvement ou à un phénomène beaucoup plus global que sa propre personne. Mais c'est quand même ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. En se replongeant dans nos archives au début des années 90. Août 1993. Les travées de la Chambre des représentants sont bondées, pleines à craquer de costumes cravates bleu marine, parmi lesquels émergent quelques robes claires. L'émotion des députés, des sénateurs, des sénatrices est en train de monter. Les dorures du trône brillent à la tribune. Uniforme du chef des armées, écharpe violette à travers le buste, Albert II va prêter serment. J'invite Sa Majesté le Roi à prêter le serment constitutionnel. La Belgique traverse un été patriotique. Après la mort soudaine du roi Baudouin, la fibre royale vibre dans le pays comme à l'intérieur du Parlement. Quand tout à coup, depuis le haut de la salle, un cri résonne. Vive la République d'Europe ! Vive Julien Lahaut ! Vive la République d'Europe ! Vive Julien Lahaut ! Costume noir, écharpe blanche qui pend de part et d'autre de ses épaules, longs cheveux gris, collier de barbe et lunettes fumées, c'est le député Jean-Pierre Van Rossem qui vient de crier. Appuyé contre un des pilastres qui soutient le balcon tout en haut de l'hémicycle, un demi-sourire sur le visage, il garde les mains croisées sur son large ventre. Sous le coup de la surprise, tous les visages des élus se sont tournés vers le fond de la salle. Dans la seconde, les réponses fusent. Vive le roi, crie l'Assemblée. Le président du Sénat, le chrétien-démocrate flamand François Lène, est outré. François Lène, rabroue le député. Votre attitude est scandaleuse et tout le pays vous jugera, dit-il. Nombreux applaudissements, mais surtout émotion intense de la reine Fabiola. L'incident est clos. c'est le dernier éclat d'un étrange personnage qui a traversé le paysage médiatique belge de la fin des années 80 au milieu des années 90. Gourou de la finance, mi-grunge, mi-geek, milliardaire anarchiste se disait-il, homme politique, gourou libertarien ou petit escroc, Jean-Pierre Van Rossem s'est fait connaître du grand public par le monde de la Formule 1. Nous sommes en 1989 et l'étrange silhouette de ce milliardaire excentrique hante les paddocks où il reçoit la télévision. Vous pouvez devenir riche, mais à condition que vous exploitez les autres. Eh bien, moi, j'ai jamais exploité qui que ce soit. J'ai exploité les faiblesses du système capitaliste. Et ça dérange qu'un type comme ça, un jour, vient à Formule 1 et qui dit ben, « voilà, je suis ici, je vais voir ce que je peux faire ». On est ici pour faire quoi? Pour faire le show, je ne sais pas. Parce qu'il leur faut une trentaine de clowns pour faire ce cirque. Et ben, on fait partie de ces clowns-là. Alimenter le spectacle à coût de millions de dollars, Jean-Pierre Van Rossem vient de racheter une écurie de F1. Elle s'appelle Onyx Monétron, du nom de sa société, Monétron. Grâce à laquelle, raconte-t-il, il a amassé beaucoup d'argent et a pu investir dans la formule. L'équipe a été alimentée parce que ce qu'on avait gagné en bourse, de ce petit montant qu'ils avaient au début. Vous aviez fait fructifier. Oui, que j'ai fait fructifier. Donc on est parti de 2 millions de dollars, on est arrivé à 9,5 millions de dollars. Au bout de 3 mois, il restait encore 4 millions de dollars. De là, on a encore gagné 5 millions de dollars. Donc disons qu'il y a 14,5 millions de dollars qui ont été investis là-dedans sans que j'ai dû sortir un franc de ma poche. Au volant de la Formule 1 Onyx Monétron, une monoplace bleue électrique, il y a un jeune pilote franco-belge, Bertrand Gachot. D'un point de vue sportif, la saison ne décolle pas vraiment. À l'image du Grand Prix de Silverstone, où Bertrand Gachot se désole. Oui, j'ai fait une sortie de route très violente ce matin. La voiture était très très difficile à conduire. Et dans un virage vraiment rapide, je suis allé dans le banking. Et ma voiture est complètement détruite, donc j'ai fait la course avec le mulet. Et le mulet se comportait exactement aussi mal, avec le plein d'essence. Le début de course était extrêmement difficile parce que dans tous les virages, vraiment, j'étais à la limite de perdre le contrôle de la voiture. La saison 89-90 ne se passe donc pas très bien, mais dans les paddocks, Jean-Pierre Van Rossem fait couler le champagne, organise de grandes fêtes. On y voit presque toujours traîner sa Rolls-Royce ou l'une de ses Ferrari. Il paraît qu'il en possède 108. Martine Vandendrich, ancienne journaliste au soir, a assisté à ces grandes fêtes. Au moment où il y avait des courses, généralement, il faisait un cocktail aux environs de la course en question, que ce soit à Phoenix ou bien à Monaco, où il avait loué un yacht. Il avait loué un château aux environs du Mans et il faisait venir, grâce à des intermédiaires des sociétés de relations publiques, tout ce que la France, en l'occurrence, comptait de fortune. Et ceux qui venaient leur parlaient de son système Monétron. Le Monétron. C'est donc le nom de la société de Jean-Pierre Van Rossem, mais c'est aussi un système que l'homme, économiste et mathématicien de formation, dit avoir mis au point sur base de principes d'économétrie. Le Monétron, c'est une sorte d'algorithme qui permet de prédire la bourse, un sésame, vers les investissements gagnants. Il promet des rendements à 20, 30, 40% sur quelques mois. Jean-Pierre Van Rossem a installé les bureaux de Monétron à Anvers. Chaque matin, des dizaines de personnes passent tenter leur chance au Monétron. Grands patrons, grandes fortunes, mais aussi artistes ou simples employés. Ils viennent investir leurs francs belges, français ou suisses. Parmi eux, un homme d'affaires, Dominique Schwartz. Dans cette salle d'attente improvisée où l'on rencontrait de tout. Des têtes connues, des têtes moins connues, des artistes, des riches, des pauvres, des commerçants, des employés. Bref, qui n'a pas besoin d'argent? L'argent, en plan l'argent, personne n'est à l'abri de ce genre de besoin. Et là, on rencontrait de tout. Des artistes qui venaient vendre leur toile ou leur dernière œuvre. Et ça s'empilait d'ailleurs dans un coin du bureau de Jean-Pierre Van Rossem, sans grande cohérence. Je l'ai vu aussi prêter sur gage. Alors là, les gars, c'était n'importe quoi, c'était pire que le Mont-Piété. Il y avait aussi des gens qui apportaient de l'argent à Van Rossem. Vous les avez vus? Oui, bien sûr, effectivement. Il était fréquent, quand nous venions en chercher, que d'autres nous précédaient et qui venaient en apporter. C'est bien simple. Parfois, nous venions chercher l'argent que d'autres, avant nous, avaient apporté. Et ainsi, comme ça, sur ce bureau, il y avait une sorte de petit monticule d'argent, de différentes monnaies, préférence de l'argent suisse. Et Jean-Pierre Van Rossem, d'ailleurs, avait un système très facile pour compter ça, à certaines reprises ses billets. Ben, il les mesurait qu'une latte, ça allait beaucoup plus vite. Et on faisait confiance l'un et l'autre. Et ça se passait comme ça, d'ailleurs, dans une très très bonne ambiance, très joyeuse. L'argent coule à flot dans les bureaux de Monétron, le système révolutionnaire de Jean-Pierre Van Rossem, l'homme qui a trouvé comment prédire, anticiper la bourse. Comment ce miracle est-il possible? Le secret est bien gardé. Au fond du bureau de Jean-Pierre Van Rossem, il y a une porte blindée. Le mot Monétron y est inscrit en lettres chromées. Derrière cette porte se trouvait le Saint des Saints, c'est-à-dire toutes les informations top secrètes, confidentielles, voire dangereuses, et qui conditionnaient les investissements du système Monétron. À tel point que des investissements devaient être faits à tel jour et à telle heure, si ce n'est peut-être parfois la température de l'air extérieur qui influençait cet investissement. Mais en tout cas, c'était très précis. Et toutes ces informations secrètes étaient derrière cette porte blindée, donc qui était chargée de protéger cette source très précieuse de données. Nous sommes fin 89, début 90, et la société Monétron tourne à plein régime. Mais en juin 1990, le doute s'installe. Ceux qui veulent récupérer leurs capitaux se rendent compte qu'il y a un problème. Comme ce patron d'une société immobilière suisse. Il a versé 500 000 francs suisses. Jean-Pierre Van Rossem lui promet un rendement à 24% sur 7 mois. Mais plus le temps passe, moins l'argent tombe. C'était toujours des promesses. Quel genre de promesses? Alors la promesse du mois de février, c'était qu'il était en train de vendre le système Monétron à des Japonais. Et qu'il aurait l'argent au plus tard à fin juin. Et les autres promesses? Oh, il a parlé de ses problèmes, notamment de la succession de sa femme qui lui bloque 200 millions de francs suisses ou de dollars, je ne sais plus, en Suisse, à cause du décès de sa femme. Qu'il s'est fait avoir dans une opération de Prudential Beach pour plus de 300 millions de dollars. Mais que malgré tout ça, on n'avait aucun souci à se faire, qu'on allait être les premiers à être remboursés capital et intérêt. Et il est très convaincant. Qu'est-ce qui vous séduisait chez l'homme? Vous avez envie de lui faire confiance. Je ressortais du premier rendez-vous, j'étais convaincu que j'allais avoir mon argent un mois plus tard. Je ressortais du deuxième rendez-vous, j'étais toujours convaincu. Mais pourquoi? Comment expliquez-vous cela à froid maintenant? Il vous donne toujours des explications qui sont plausibles. Si vous ne les contrôlez pas, elles sont plausibles. C'est toute la difficulté, raconte aussi Dominique Schwartz. On a envie de faire confiance à Jean-Pierre Van Rossem. Il y a, chez tout être sensé, un scepticisme face à ce système. Mais tout était fait pour vous rassurer. Il y avait une ambiance très particulière. D'abord, il y a le bagout de Jean-Pierre Van Rossem qui est célèbre. C'est un homme envoûtant, mais aussi un décorum. Il y avait des batteries d'ordinateurs, des jeunes tous plus sérieux les uns que les autres, des jeunes loups, comme on dit. Et ce système vous était expliqué avec des paramètres très compliqués, des banques de données. Et finalement, toute cette incohérence apparaissait justement cohérente parce qu'elle était démontrée par de quelqu'un de brillant, il faut le reconnaître. En juin 1990, le parquet d'Anvers se saisit de l'affaire et ne parvient pas à prouver qu'un seul franc belge, suisse ou français, reçu par Jean-Pierre Van Rossem, ait jamais été investi en bourse. Les soi-disant intérêts sont en réalité versés grâce aux nouvelles sommes rentrantes. Derrière la porte blindée aux lettres chromées, il n'y avait rien. Et vous avez su par après ce qu'il y avait derrière cette porte? Ah oui, tout à fait, parce que nous avons rencontré un jour des techniciens et à qui nous demandions ce qu'il y avait derrière. On a dit, mais strictement rien, il y a là un débarras, il y a des câbles électriques qui passent par là, mais il n'y a rien là derrière. La pyramide Monétron, qui n'avait aucune fondation, est en train de s'effondrer. Juin 1990, Van Rossem savoure ses dernières heures de gloire. L'heure des comptes a sonné. Il lui faut tenir ses promesses. rembourser les capitaux, augmenter des intérêts faramineux, plusieurs milliards. Les chèques qu'il a donnés en garantie sont sans provision. Les plaintes affluent et c'est le crash. Le crash. Jean-Pierre Van Rossem est arrêté le 28 juin 1990. Le célèbre milliardaire belge Jean-Pierre Van Rossem a passé la nuit en prison après avoir été inculpé par un juge d'instruction d'Anvers de faux en écriture, d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision. Cet homme d'affaires courtisé et controversé, considéré par certains comme un anarchiste, a connu une réussite fulgurante en inventant un système de prévision financière et boursière, le Monétron. Passionné de Formule 1, il avait fait courir Bertrand Gachot dans l'écurie Onyx Monétron qu'il avait fondée. Mais ses affaires ont périclité et les 4 chèques sans provision qu'il a émis au total de 215 millions de francs belges lui ont été fatales. Nous sommes donc en juin 1990 et voilà l'histoire de Jean-Pierre Van Rossem telle qu'on peut la raconter en 30 secondes. L'histoire d'une grosse arnaque, d'un petit escroc charismatique. L'histoire pourtant ne s'arrête pas là. Alors qu'il enchaîne les séjours en prison et les libérations, une idée germe dans la tête de Jean-Pierre Van Rossem. Il veut se présenter aux élections fédérales qui se profilent. Jean-Pierre Van Rossem se dit libertarien. En 1991, il enchaîne les plateaux de télévision et tente de se justifier sur l'affaire Monétron. Moi, j'étais tellement naïf de penser que c'était possible, en individu, en moi-même, Van Rossem, avec l'aide de personne, uniquement avec l'intelligence que j'allais battre le marché. J'ai vu que j'étais pas assez requin, que j'étais un grand naïf, que j'étais un grand imbécile de faire tout ça. Et maintenant j'ai le remords que j'ai perdu mon argent. J'étais le seul anarchiste, parce que je suis anarchiste, au monde qui a raté d'avoir 1 milliard de dollars. Raté de la moitié. Je vais arriver jusqu'à la moitié, puis j'ai tout perdu. Le parti Rossem est présent à Anvers et dans le Brabant wallon. Militants en casquette, t-shirt blanc, le nom Rossem écrit en bleu barre leur poitrine. Une fois de plus, le style Van Rossem fait mouche. Fin novembre 1991, à quelques jours des élections, Jean-Pierre Van Rossem est de nouveau arrêté. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un candidat aux élections de dimanche passera en tous les cas cette journée-là et peut-être d'autres en prison. Ce candidat, c'est Jean-Pierre Van Rossem. L'homme d'affaires a été placé sous mandat d'arrêt. Cette arrestation intervient après la plainte de 3 personnes qui affirment avoir été lésées pour un montant de 8 millions par Jean-Pierre Van Rossem. Cette arrestation ne rend pas son élection impossible, mais s'il est élu, il ne profitera peut-être pas tout de suite de son immunité parlementaire. Le 24 novembre 1991, c'est la surprise. Le parti Rossem fait un score exceptionnel. Près de 200 000 voix à la Chambre et au Sénat. Il récolte 3 députés et un sénateur. À sa sortie de prison le 7 janvier 1992, Jean-Pierre Van Rossem prête serment à la Chambre avec 3 semaines de retard. Vieux pull en laine retroussé sur les coudes, cheveux lâchés, le moment est un peu chaotique. Dames et heren, de vergadering is geopend. Chers collègues, la séance est ouverte. J'invite M. Van Rossem, dont les lettres de créance ont été déclarées valables le 16 décembre 1991, de prêter serment. Je jure d'observer la Constitution. M. Van Rossem, voulez-vous vous lever ? Levez-vous, s'il vous plaît. Puisque vous m'avez fait attendre 21 jours. M. Van Rossem, ceci n'est pas un serment. Je vous invite à prêter serment. Après, vous aurez tous vos droits de parlementaire, mais pas avant. Bon, voilà. Je jure d'observer la Constitution. Merci. Je vous félicite. Et je déclare M. Van Rossem membre de la Chambre des représentants. Chers collègues, nous n'avons pas d'autre point à notre ordre du jour. La séance est donc levée. Je vous remercie. Voilà comment Jean-Pierre Van Rossem est entré au Parlement de Belgique. C'est 2 ans plus tard qu'il criera ce « Vive la République d'Europe, vive Julien Lahaut » lors de la prestation de serment d'Albert II. La première, l'histoire continue. On évoque le cas Jean-Pierre Van Rossem, qui a marqué donc la fin des années 80 et début des années 90 avec son entrée en politique et ce fameux « Vive la République » lâché lors de la prestation de serment du roi Albert II. Et nous avons avec nous François Debras, qui est professeur au sein du Centre d'études démocratie de l'Université de Liège. Peut-être d'abord, qu'est-ce qui vous frappe, vous, quand vous réentendez cette histoire de Jean-Pierre Van Rossem, si atypique personnage et qui a quand même marqué pas mal la vie politique à l'époque? Vous, qu'est-ce qui vous frappe, puisque vous étiez un peu jeune au moment où c'est arrivé? Oui, j'étais plutôt jeune, oui, donc j'ai pas connu directement le phénomène Van Rossem. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une personnalité qui va vraiment casser les codes du monde politique tels qu'ils étaient institués à l'époque, qui va avoir des difficultés à se lever pour prêter serment, qui va apparaître face caméra avec des cheveux longs, la cigarette à la bouche, des vestes en cuir, etc., qui va aussi énormément jouer sur sa personnalité plutôt que sur un programme. C'est un individu également qui va, et c'est intéressant quand on écoute le reportage, qui va finalement faire de la politique comme il a créé sa boîte Monétron, c'est-à-dire qu'il va jouer beaucoup plus sur la confiance. Jouer au bluff, à la confiance, je vais casser les codes et je vais apporter quelque chose de nouveau et de différent. Je trouve que c'est assez intéressant quand on réentend les témoignages, notamment toute cette partie sur le Monétron, c'est qu'on est à une époque, au début des années 90, où il y a une sorte de fantasme sur la finance, etc. On sent qu'il y a quand même toute une série de codes qui sont en train d'apparaître et que la population n'a pas. Oui, et alors on va jouer sur différentes logiques aussi. Donc, comme ça a été rappelé, Van Rossem a été élu pendant les élections de 1991, c'est-à-dire au lendemain des élections du Dimanche Noir. C'est la chute du gouvernement Martens-Witt avec les socio-chrétiens, les socialistes et la Volksunie. Donc, il va aussi avoir une volonté de changement, une volonté d'avoir des nouvelles figures, une volonté de casser les codes et de rompre avec cette politique qui est présente en Belgique depuis plusieurs années. Et pour ça, on va utiliser des phrases choc ou des slogans choc. Van Rossem, il en utilisait souvent. Hein. Il critiquait souvent les partis politiques en parlant de bricolage politique, de fraude électorale. Il les appelait les charlatans ou les escrocs. Donc on va aussi très fort critiquer l'adversaire pour se présenter en alternative, en sauveur ou en tout cas en version différente. Et on va reprendre les codes du monde économique. On va s'entourer de jeunes femmes, on va montrer ses voitures, les jets privés, les yachts, parler de l'argent, etc. Pour comprendre comment l'élection de Jean-Pierre Van Rossem a été possible, j'ai posé la question à une véritable mémoire du journalisme et de la politique flamande, c'est Yvan de Vader. Alors Jean-Pierre Van Rossem, il est mort maintenant il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il représente dans le paysage politique flamand au moment où il est élu ? Je crois qu'il faut revenir même quelques années avant son élection. C'est les années 80 qui jouent un rôle important. C'est ma jeunesse, les années 80. C'est une période assez noire. Il y a les cellules combattantes communistes. C'est un groupe de terroristes en Belgique. Il y avait les tueurs du Brabant Wallon. Ça pesait sur ces années 80. Il y avait peu de travail. Les jeunes rentraient dans des circuits de travail qui étaient mal payés. On ne trouvait pas de l'argent. Il y avait les grandes marches pour la paix contre les missiles. Il y avait les marches pour du travail. Donc vraiment cette idée d'une période assez noire. Et puis il y a quelqu'un qui sort... aidé aussi par un magazine qui s'appelle Humo, c'est le contre-pied de Télémoustique du côté francophone, mais disons que Humo avait surtout dans ces années-là une place très importante chez les jeunes, c'était vraiment leur magazine avec la musique, la télé, les séries de télé, tout ça, et aussi une personnalité comme Jean-Pierre Van Rossem qui devenait populaire avec ce système Monétron, un système avec d'investissement. Il avait trouvé... On croyait, et c'était ça qui appelait à beaucoup de gens, il avait trouvé la clé pour battre le système capitaliste et pour avoir des investissements qui se multipliaient infiniment sans aucun problème. Et il se disait, il faisait la publicité partout, c'était la clé, il était devenu le héros de beaucoup de gens qui se trouvaient dans cette période noire. Et justement... Quand En 91, il se présente aux élections et pour être clair, il se trouvait en prison à ce moment de sa présentation en élection. Donc, c'était déjà clair, c'était de la fraude. C'était un escroc. Oui, c'était un escroc. C'était clair pour tout le monde. Mais même avec ça, ce sac à dos, il se fait élire. C'est un peu l'escroc magnifique comme ça. Ben oui, c'était le héros du peuple populaire, mais c'était aussi, disons, le début des partis contestataires. C'est-à-dire, 91, c'est l'élection de Van Rossum, c'est mais aussi l'élection d'Imanche Noir, du Vlaams Blok, qui fait sa percée pour la première fois, qui devient le parti le plus grand dans l'arrondissement d'Anvers à ce moment-là. Et donc, le Vlaams Blok, 12 sièges, et puis Van Rossum, 3 ou 4 sièges, si je me trompe. Donc, il y avait vraiment ces parties de contestation, il en faisait partie. Et par exemple, le fait qu'il lance, lors de la prestation de serment d'Albert II, vive la République d'Europe, ça faisait partie de son image de rebelle, de contestataire. Et c'était vraiment ça, c'était son rôle, c'était l'image qu'il avait à ce moment-là. Vous disiez à l'instant, il a été élu, hein, son parti Rossem a eu 4 sièges à ses élections en 1991, au moment où le Vlaams Blok lui aussi fait sa grande percée aux élections. Est-ce que Jean-Pierre Van Rossem, il est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est... Il dit qu'il est anarchiste, libertarien. On ne savait pas. Ah non. Si mes souvenirs sont bons, oui, il avait des positions, mais je me souviens surtout du fait qu'un autre, Louis Standart, un autre député, rentrait en culotte courte au Parlement, se faisait virer par le président du hémicycle. Ça, c'était les choses qu'on se souvient du parti. Pour le reste, il n'y avait pas de programme. S'il y avait un programme, mais je m'en souviens pas. Donc, je ne sais pas s'il était de gauche ou de droite. Il n'y avait pas d'idéologie. Il y avait ça, son idéologie, à lui-même. Et donc, ça servait à lui-même d'être élu. Bon, il était sorti de la prison, mais ça lui donnait quand même une certaine couverture, une certaine protection d'être député comme tous les députés. Donc, ça lui arrangeait aussi bien. On peut se poser la question, est-ce qu'il l'a fait pour des raisons politiques ou est-ce qu'il l'a fait pour sauver sa peau, se présenter aux élections? Les deux, je crois. Les deux. Et je crois qu'ils étaient eux-mêmes surpris d'avoir des élus et d'être élus. Sauf qu'un autre député, Jan de Korte, qui était un metteur en scène de théâtre, a joué un rôle très important dans Sint-Michiels à Korte, une des réformes d'État, où il a attribué à la majorité, par la seule voix qu'il avait ajoutée lui-même, mais c'était un peu un solo slip de Jan de Korte, donc c'était même pas idéologiquement, mais il a, à ce moment-là, sauvé la peau de Jean-Luc Dahan et la peau du pays, quoi. Et donc, ils ont, de temps en temps, joué un rôle assez important, quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu, Van Rossem, après ça? Parce que sa carrière politique, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, et le reste n'a pas duré non plus. Il a fait des trucs à la télé, il a essayé, il a écrit des livres qui ont bien marché, parce que toujours ce magazine Humo travaillait bien avec lui. Et donc, il a joué toujours un rôle dans les médias, disons, mais plus un rôle d'une importance. François de Bras, est-ce que, selon vous, c'est étonnant qu'une figure comme celle de Jean-Pierre Van Rossem émerge à ce moment-là, dans les années 90? On pense, par exemple, à Silvio Berlusconi, à Bernard Tapie en France, qui arrivent à ce moment-là, qui sont des personnages, qui arrivent avec ces idées contestataires, qui viennent contester le système sans avoir forcément des idéologies très fortes. Alors oui et non. La réponse est toujours un entre deux. Oui, c'est surprenant d'une certaine façon, puisque le paysage politique belge, la structuration, l'organisation institutionnelle en Belgique, la présence des partis politiques en Belgique, rend très compliqué l'émergence d'un nouvel acteur, et ici d'un acteur qui va émerger seul, sans structure, sans encadrement. C'est compliqué, puisqu'il y a la question de la dotation des partis qui est fermée à de nouveaux partis émergents. On le voit encore aujourd'hui avec différentes petites formations qui posent la question du financement des partis politiques. C'est également difficile pour ces nouvelles formations ou ces personnalités seules de se faire une place au niveau du milieu médiatique en temps d'antenne, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, de la structure de l'organisation politique et institutionnelle belge, c'est difficile de rentrer en politique. Après, j'ai envie de dire que aussi, non, c'est pas surprenant, parce que, comme ça a été expliqué, en 1991, on va avoir des partis contestataires qui vont émerger, on va avoir une volonté de faire de la politique autrement, on va avoir une critique des partis politiques qui sont au gouvernement et qui vont permettre à de nouveaux acteurs d'émerger, et d'émerger avec des codes venus d'ailleurs, des codes venus de la finance, des codes venus du monde des entreprises. Alors peut-être, on parlait justement de Silvio Berlusconi, Bernard Tapie, tous ces personnages qui vont émerger, issus des années 80. Mais ce qui est intéressant, et Ivan de Vader le disait, c'est qu'il s'est quand même créé aussi médiatiquement à cause de Humo. Berlusconi s'est créé médiatiquement avant de se créer électoralement grâce à ses chaînes. Bernard Tapie, c'était TF1, les émissions, etc. Donc il y a quand même peut-être une constante, c'est aussi des personnages médiatiques, c'est cette société de la télévision des années 80, etc., qui a créé des personnages finalement que la télévision a brûlé très vite, ou que les médias ont brûlé très vite aussi, hein. Oui, je crois que c'est un système de liens, et ça va dans les deux sens. C'est à la fois, ces personnages qui vont émerger sont très critiques vis-à-vis des médias, mais sont aussi demandeurs d'une visibilité de la part des médias. Et qui leur en donnent, bien beaucoup, sûr. Et à l'inverse, les journalistes peuvent être très critiques vis-à-vis de ces personnalités-là, mais les invitent aussi parce que ça crée de l'audimat. Marche, il y a un quoi. Phénomène qui apparaît. On parle bien sûr de Silvio Berlusconi. Lui, ça va être différent parce qu'il va acheter aussi certains médias et certaines chaînes. Médias. Il va créer ses propres chaînes pour se raconter sa propre histoire. La première, l'histoire continue. On retrace donc dans cet épisode le parcours de Jean-Pierre Van Rossem, mi-escroc, mi-gourou, mi-homme politique, ce qui fait une personne et demie d'ailleurs. Bref, pourrait-on voir un personnage comme celui-là émerger aujourd'hui? C'est la question que nous avons posée à Ivan de Vader. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de répéter la même chose. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas si je pourrais donner un autre exemple. Oui, il y a des gens en Flandre qui essayent de copier le succès du Boer-Burgerbeweging, c'est-à-dire un parti des fermiers aux Pays-Bas, qui essayent de faire la même chose, disons, qui essayent de rentrer sur les sensibilités des gens plutôt, si je fais la comparaison, des gilets jaunes. « The deplorables » en anglais, « gilets jaunes », les gens oubliés. Les périphériques. Oui. Et donc, ça, c'est en train de se jouer en ce moment en Flandre. Mais la combinaison qu'il avait avec une personnalité qui était vraiment en plein milieu, qui était très présente, mais pour le reste, pas d'idéologie, pas de parti, pas d'appareil de parti. Il y avait pas des partis locaux non plus. C'était eux et plus personne d'autre, quoi. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Pierre Van Rossem était un populiste? Pour moi, ça lui donne trop d'importance, parce que ça fait la comparaison, c'est une association avec Trump, avec tout ce qui est populiste en ce moment, et je n'y crois pas. C'était l'idéologie de Van Rossem lui-même, et de personne d'autre. Il n'y avait pas de connexion avec... Je crois que c'est là la plus grande différence quand on voit aujourd'hui des gens comme Trump, mais aussi l'extrême droite aux Pays-Bas. Il y a une connexion avec une sensibilité qui est très largement présente dans plusieurs partis. Tandis que Van Rossem, ce n'est que ces 3 ou 4 personnes, c'était eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment un mouvement qu'ils représentaient. Et je crois que c'est là la plus grande différence. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui voir éclore un Jean-Pierre Van Rossem en Flandre? Non. Non. Je dis non. En oui, même temps qu'il oui, aurait pu prévoir oui, à l'époque. Voilà. Parce que, vous savez, il y a une chose très importante dans la politique. Il n'y a que 2 slogans dans la politique. Le premier slogan, c'est le plus important, c'est de dire « avec moi, ça va être différent ». Le deuxième, c'est « moi la sûreté, si vous ne me suivez pas, c'est le chaos ». Mais le deuxième, c'est moins prenant. C'est Alexandre De Croo maintenant, c'était De Haan à l'époque qui disait « il faut continuer, il faut me faire confiance, continuons, on est bien ». Mais l'autre, c'est l'espoir qu'on donne aux gens en disant « suivez-moi, ça va changer pour vous ». Et là, c'était vraiment la personnalité de Van Rossem. Même si on savait que c'était un escroc, même si on savait que c'était de la fraude, même si on savait que son parti ne tenait pas, qu'il n'y avait pas d'idéologie, pas de mouvement, mais les gens y croyaient. Et c'est ça qui fait la différence. Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui résonne avec aujourd'hui? avec cette attente de la population, quand même ce ras-le-bol des partis traditionnels. Et est-ce que Van Rossem, en 1991, ne dit pas déjà ça? Les partis traditionnels commencent à être en déclin. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le pic de ça, de cette attente de quelqu'un qui va arriver et qui va dire « ça va aller ». Sauf qu'il ne vient pas. En tout cas, pas en Belgique. Par exemple, aux Pays-Bas, je fais la référence parce que c'est les voisins que je connais les mieux. Aux Pays-Bas, il y a Pieter Omtzigt. C'est un parlementaire qui était très laborieux, qui n'était pas du tout quelqu'un qu'on connaissait bien, mais qui travaillait très dur sur des dossiers. Et donc, c'est l'espoir, mais ce n'est pas cette personnalité flamboyante qu'on avait dans les uns. Ce n'est pas Tapie, ce n'est pas Berlusconi. Maintenant, les gens espèrent ou ont l'espoir d'avoir quelqu'un qui est très laborieux, qui travaille pour eux et qui fait ce qui est nécessaire. C'est au centre qu'on espère trouver quelqu'un, mais il n'y a personne au centre. En tout cas, pas en Flandre. Vous savez, les partis du centre en Flandre sont en train de disparaître et on fait plutôt espoir aux partis des extrêmes, surtout en Flandre extrême droite, mais sans personnalité. C'est l'idée du parti qui est populaire. Il n'y a pas de personnalité comme on peut le désigner dans la figure de Van Rossem. Et est-ce que si à un moment donné, à l'extrême droite, en plus de l'idée, il y a une personnalité flamboyante? À ce moment-là, je crois que c'est le ciel pour eux. C'est une percée énorme. S'ils ajoutent une personnalité, mais vraiment une personnalité populaire qui donne l'espoir, qui pas uniquement est contestataire, parce que c'est encore toujours en ce moment le rôle du Vlaams Belang, mais si vraiment quelqu'un donne espoir à beaucoup de gens, pas uniquement des gens aux extrémités, mais vraiment au centre aussi, oh là, ça devient dangereux. François de Bras, c'est le phénomène qu'a incarné à un moment donné Jean-Pierre Van Rossem. Il faut lui donner un nom. Certains utilisent le terme de populiste, etc. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Est-ce que dans ce vote, on pouvait vraiment parler d'un vote d'adhésion à un personnage qui donnait de l'espoir à certains ou simplement un bras d'honneur à la classe politique de l'époque? Alors pour revenir par rapport au terme populisme, le populisme dans le monde politique, c'est un terme qui est utilisé comme une attaque pour dénigrer un adversaire, c'est un démago, c'est du simplisme, c'est de l'instrumentalisation des foules. Dans le monde académique, même s'il n'y a pas de consensus sur la définition à donner au terme populisme, moi en tout cas je le définis comme une certaine rhétorique, une opposition en deux ensembles, d'un côté un peuple qui va être paré de toutes les vertus et de l'autre des élites corrompus, pourris, qui vont être vraiment le miroir du peuple. Et donc on peut interroger cette rhétorique populiste à travers systématiquement cette opposition entre le bon peuple contre les méchantes élites. Dans les propos de Jean-Pierre Van Rossem, moi je ne le définirais pas comme populiste en tant que tel, parce que si on retrouve effectivement la critique des élites, la critique du bricolage politique, la critique des charlatans des partis traditionnels, si on retrouve la critique des banques, la critique du journaliste, alors j'ai pas lu l'intégralité des ouvrages de Jean-Pierre Van Rossem, parce qu'il en a écrit déjà pas mal, mais je ne retrouve pas cet appel au peuple, à la souveraineté du bon peuple vertueux, etc. Donc ça, c'est un aspect qui me fait dire que moi, je ne mettrai pas si vite l'étiquette populiste sur Jean-Pierre Van Rossem, mais en tout cas, le qualifier de anti-système ou de phénomène qui va cristalliser une certaine critique des autres partis politiques, oui, là, je pense qu'on peut le dire. Et en ça, est-ce que ce phénomène-là résonne avec ce qu'on vit aujourd'hui, ces personnalités anti-système, et en même temps ce que disait Ivan de Vader là à l'instant, cette attente aussi qu'il y a de la population d'avoir, il disait il y a deux slogans en politique, je vais faire changer les choses ou bon, en gros je vais assurer la sécurité, la continuité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui en ça, est-ce que c'est pas ça en fait qui résonne dans Jean-Pierre Van Rossem avec aujourd'hui 2024, année où on va vers les élections? Oui, des personnalités un petit peu atypiques qui vont briser les codes, qui vont avoir un parler vrai, je m'exprime comme vous, je suis vulgaire ou grossier comme vous, j'ai les mêmes préoccupations que vous, moi aussi j'aime bien les grosses bagnoles, moi aussi j'aime bien sortir et faire la fête. Il y a une volonté de plus d'authenticité ou d'honnêteté de la part de certains candidats. Maintenant, je reviens avec mes remarques de tout à l'heure, effectivement la question de la dotation, la question de la place dans les médias rend difficile l'émergence de ce nouveau type de personnalité. personnalité. Mais je crois qu'en politique, il faut jamais dire jamais, il faut jamais fermer la porte à l'émergence de certaines personnes. Parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de programme, par exemple, pour Jean-Pierre Van Rossem, mais j'ai retrouvé un vieux site internet qu'il avait où il mettait quelques points. Et par exemple, il proposait à l'époque d'abaisser la TVA, de supprimer 400 des 626 parlementaires, de faire payer les crises aux banques, d'augmenter la pension minimum et de créer un impôt sur les grandes fortunes. Je pense que ce n'est pas des propositions aujourd'hui. Oui, ça pourrait être celle du PTB. C'est des propositions qui ne sont pas complètement aberrantes et qu'on peut retrouver aujourd'hui et qu'il ne faut pas jeter à la poubelle en disant ce genre de personnalité n'arrivera jamais plus. Oui, et c'est vrai, quand on entendait tout à l'heure Ivan de Vader dire gilet jaune, c'est un peu le genre de programme et d'aspiration qu'on pourrait retrouver dans des mouvements comme les gilets jaunes. Peut-être pour terminer, sur ce que disait aussi Ivan de Vader là à l'instant, vous ne disiez pas de possibilité, difficulté en tout cas pour des personnalités comme ça d'émerger en tant que parti. Mais en revanche, si des partis d'extrême droite, si le Vlaams Blok aujourd'hui trouvait une personnalité comme celle-là, qui parvient à mobiliser autour d'elle et qui parvient à insuffler une forme d'espoir à la population, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner pour l'extrême droite? Oui, la question des programmes évolue. On se rend compte que les gens lisent de moins en moins les programmes politiques, s'intéressent de moins en moins à la politique, au sens vont chercher l'information politique. À l'inverse, dans l'autre sens, on vote de plus en plus pour des personnes qui nous paraissent dynamiques, qui nous paraissent jeunes, qui nous paraissent inspirer la confiance, qui ont un beau sourire, qui nous paraissent proches de nous, avec tous les biais possibles des réseaux sociaux, les biais de fausse proximité, etc. Et donc, effectivement, si une personnalité comme ça est portée par toute la structure d'un parti politique et d'un parti politique comme l'extrême droite, le Vlaams Belang, qui a des fonds suffisants pour justement faire une campagne autour d'une personne, là, oui, peut se poser la question de savoir quelle est la place que va occuper ce type de personnalité dans le paysage politique et médiatique belge. Mais presque comme si le Dimanche Noir avait fusionné avec d'un côté le Vlaams Blok et Jean-Pierre Van Rossem. Merci beaucoup François Debras d'avoir été avec nous pour tenter de comprendre comment cette étoile filante de Jean-Pierre Van Rossem, vous parlez de beau sourire, je ne sais pas si lui avait un super beau sourire, mais allez, comment l'histoire de Jean-Pierre Van Rossem résonne aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et merci aussi à Ivan de Vader d'avoir répondu à nos questions avec ses analyses toujours très fines. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée par Émilie Malice.